28, observation, attendre et entendre. Comparer. Présent. J'attends. J'entends. Tu attends? Tu entends? Elle attend. Elle entend. Nous attendons. Nous entendons. Vous attendez? Vous entendez? Ils attendent. Ils entendent. Passé composé. J'ai attendu. J'ai entendu. Tu as attendu? Tu as entendu? Elle a attendu. Elle a entendu. Nous avons attendu. Nous avons entendu. Vous avez attendu? Vous avez entendu? Ils ont attendu. Ils ont entendu.